أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، وليس لي سواك. أتبعك ربي دما، أتبعك بلا رجوع، وأسبح اسمك القدوس، وليس لي سواك. وأسبح اسمك القدوس وليس لي سواك. أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، وليس لي سواك. أتبعك ربي دما، أتبعك بلا رجوع. Je n'ai personne d'autre que toi, Seigneur Jésus, je t'aime, je te glorifierai et te suivrai tous les jours. Bonsoir, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier, particulièrement ceux de l'expression arabe et tous ceux-là donc qui recherchent la vérité dans les différents moyens qui sont disposés, qui sont à leur disposition pour retrouver le chemin du salut. Une fois de plus, bonjour, bonsoir, selon les dispositions, votre disposition géographique. Je suis le frère Junior de Douala au Cameroun. Souvenez-vous, je suis le frère Junior de Douala au Cameroun. Je ne suis pas le frère Bamba Iba. Le frère Bamba Iba est une autre personne. Je suis le frère Junior dont vous entendez la voix maintenant. Je suis à Douala au Cameroun. Et comme d'habitude, vous pouvez me contacter, insulter ou bien poser des questions au plus 237. Plus 237, c'est l'indicatif du Cameroun. C'est l'indicatif du Cameroun. L'indicatif du Cameroun, c'est plus 237. Le 6 75 87 41 21. Le 6, vous composez le plus 237. Puis maintenant, vous composez le numéro de téléphone où vous pouvez me joindre, soit sur WhatsApp ou bien en appel direct au 6 75 87 41 21 et autre numéro encore le 6 94 01 94 40 le 6 94 01 94 40 vous m'aurez très certainement en ligne. Vous pouvez également contacter sur Skype, vous m'envoyez votre adresse Skype. Le pseudo Skype, c'est Junior. Junior s'écrit J-U-N-H-I-O-R-S. Je recommence encore. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S. Et puis, vous ajoutez le chiffre 3. Le chiffre 3. Vous mourrez donc sur Skype. Voilà mon Skype. Vous pouvez également envoyer un email à Junior. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S@yahoo.fr. D'autres enseignements sont également fournis sur le site internet www.reveille-toi.besaba.com. Besaba s'écrit B-E-S-A-B-A.com. Donc www.reveille-toi.besaba.com. Ou bien sur la chaîne YouTube, vous tapez Bamba Iba. Tous les enseignements y sont. Écrivez-nous, posez des questions. Comme beaucoup enfants, insultés également, comme plusieurs enfants également. De toutes les façons, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bienvenue dans cette série consacrée encore une fois de plus à l'islam et ses mensonges. Aujourd'hui, nous allons essayer d'écouter. Je vais vous mettre un extrait. Aujourd'hui, ce n'est pas Abdou Madid. Bon, c'est vrai que c'est les mêmes techniques qu'ils dévoilent dans leur école satanique. J'allais dire école coranique, école satanique. Et ils essaient d'enseigner et empoisonner tous ceux dont-là qui sont de leur religion à combattre les chrétiens d'une façon ou d'une autre. Et pour cela, ils trouvent des techniques de mensonges. C'est pour cela que j'intitule cela également un autre mensonge de l'islam. Un autre mensonge de l'islam, les techniques de mensonges en islam. Les techniques de mensonges en islam. Dans la vidéo qui va suivre, que vous allez entendre l'un des menteurs que Abdou Madid et les autres, Zaki, Maïk, a formé avec les Didat. Ils sont pleins comme ça dans le monde entier. L'un des plus grands menteurs, c'est Abdou Madid, dont nous allons revenir sur certains de ses enseignements encore. Je profite de cette occasion pour donner un message à tous ceux-là qui me contactent jour après jour pour dire pourquoi ne pas, et ceux qui écrivent sur YouTube, pourquoi ne pas confronter Abdou Madid, ne pas l'appeler, il est vivant, pourquoi ne pas aller le confronter si tu as la vérité. Écoutez très attentivement, je veux que ça soit clair. Et ils ont contacté plusieurs fois, et c'est ce que je leur ai dit, je vous le dis maintenant de façon officielle. Kosobia m'écoute depuis la RDC. Il connaît la vérité. Il s'est laissé pervertir. Que Dieu lui donne la grâce de revenir. Kosobia, je m'adresse à celui qu'on appelle Abdul Madid, qui s'est donné le nom de Abdul Madid, parce que Madid veut dire le glorieux, le louable. Il faut qu'il sache que Jésus-Christ l'attend à la repentance. Donc, le christianisme, ou bien le chrétien, ou bien le disciple, ce n'est Jésus-Christ, n'est pas celui-là qui est là pour le débat, encore moins débattre avec les ténèbres. Souvenez-vous de ceci, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Vous êtes dans les ténèbres, vous avez besoin de la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que je suis la lumière du monde. Il n'a jamais dit cela à Abdou Madid. Il n'a jamais dit cela à Mohammed. Il n'a jamais dit cela à aucun musulman. Il a dit ça à ses disciples, à lui. Donc, il ne s'agit pas de dire que nous respectons Jésus. Jésus n'a dit nulle part qu'on le respecte. Il n'a dit nulle part qu'on croit en lui en tant que prophète. Il doit être votre rédempteur, votre sauveur, votre éclaireur et l'agneau qui ôte votre péché. Si ce n'est pas tel pas le cas, vous ne faites pas partie de la lumière. Donc vous êtes dans les ténèbres. Donc si Abdou Madid veut être éclairé, qu'il organise une séance d'éclaircissement, ou bien je vais l'éclaircir. Il a mon Skype ici, il a écouté, il a écouté. S'il veut les débats, qu'il continue à aller pervertir l'œuvre en croyant qu'il sait aller avec ses biens. Donc si vous voulez, vous musulmans, vous voulez me contacter, sachez que vous venez pour la lumière. Si vous posez des questions, que ce soit pour vous éclairer, afin que vous quittiez les ténèbres de la religion satanique, dite d'Allah, pour pouvoir venir à la religion, comme vous appelez, à la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, voilà qui est clair maintenant. C'est parti pour le débat et pour les insultes. Alors ce soir, ou bien aujourd'hui, je vais parler, nous allons découvrir ensemble cette technique de mensonge utilisée en islam. Et l'une des choses qu'ils disent en enseignant, c'est ils disent qu'on retire l'huile sur le poisson pour le frire. Voilà leur technique, c'est ce qu'ils appellent. C'est-à-dire qu'ils essaient d'aller pour dire la question que je te pose, c'est pour te pousser à voir la faute qu'il y a. Et c'est leur technique, c'est leur langage. Donc on retire l'huile sur toi pour te frire. Comme par exemple, l'huile se trouverait par exemple sur du porc. Et puis on pourra utiliser cette graisse de porc pour frire, ou bien dessus la poule pour frire, pour suivre du poisson, pour frire le même poisson. Donc nous allons essayer de voir cette technique-là. Et chaque fois, je vais mettre pause comme d'habitude pour que vous voyez la subtilité du mensonge satanique. C'est toujours comme ça que Satan a toujours procédé. Allons-y maintenant. Premier extrait suivant. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères musulmans. Bonjour et bienvenue à vous les chrétiens. Après avoir répondu dans la dernière vidéo, avec des arguments percutants sur le fait que Jésus n'a été envoyé que pour les enfants d'Israël, et cela en confirmation par la parole de Dieu lui-même dans la Bible. Donc, nous voyons donc ici d'entrée, apparemment c'est une deuxième vidéo, ou comme vous avez suivi, le but de la vidéo c'est de démontrer que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'aux Juifs. En son temps. Et cela est clair dans tous les musulmans dans toutes les écoles coraniques modernes, ils vont toujours avoir cela, cet argument. Quel est le but? Le but ici, c'est de dire, s'il parvient à établir que Jésus a été envoyé qu'aux juifs, alors les chrétiens sont sans issue que de croire que Mohammed a été envoyé comme souverain pour l'univers, comme sauveur de toute l'humanité. Et ils peuvent trouver cela dans le Coran. Parce que le Coran est clair et détaillé. Nous allons y revenir tout au long de cet enseignement et nous allons aller et dans la Bible et dans le Coran. Souvenez-vous, nous avons établi qu'Abdou Madid est un grand menteur et un ignorant. Voici l'un de ses élèves qui est un ignorant également. Mais je pense ici parce que Abdou Madid également et tous les autres Naïk, Zaki et les autres Chalbi de l'Amérique qui font dans la version anglaise ont déjà prouvé à plusieurs reprises que Jésus n'est pas ressuscité, qu'il n'est pas mort, selon que le dit le Coran, qu'il n'est jamais mort à la croix, qu'on a jeté comme cette sourate le dit, au chapitre de sourate 2 le dit. Et qu'il n'est pas ressuscité, et que la Bible a été falsifiée, et qu'il y a des tonnes de fautes dans le Coran, de quoi dans la Bible, et que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais celui-ci vient de dire que bon, d'autres soutiennent quand même que la Bible a des paroles de Dieu et d'autres ne trouvent pas de paroles de Dieu. Alors donc, il va aller dans cette Bible-là donc pour montrer que Jésus a été envoyé uniquement aux Juifs. Donc, dans ce cas, les chrétiens d'aujourd'hui se trompent et se tromperaient en croyant que Jésus-Christ les a sauvés parce que le temps de Jésus est passé et que ce Jésus-là a été envoyé aux Juifs seulement et par conséquent, les chrétiens sont sans espérance. Et l'une des choses que vous allez remarquer, c'est que, l'un des ennemis numéro un des musulmans, c'est l'apôtre Paul. Ils disent que c'est lui qui est le fondateur du christianisme. Ils peuvent donner les arguments. Nous allons revenir sur cela. L'apôtre, sur le thème de l'enseignement musulman encore. L'apôtre Paul, la bête noire des musulmans. Vous allez voir effectivement comment celui-ci, de façon subtile qui est dans cette vidéo, va esquiver l'apôtre Paul en donnant des terminologies. Je vais y revenir. Écoutez très attentivement maintenant. Donc, il s'en va dans la Bible pour montrer que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Il va aller tant bien que mal dans la Bible pour le faire. Et voici l'une des choses. Cette Bible qu'il va utiliser, c'est la même Bible que chaque personne utilise et que Kosobia, Madid utilise chaque fois, que Zaïk utilise chaque fois pour pouvoir démontrer que les chrétiens n'ont pas raison, qu'il n'y a pas eu de résurrection. Et c'est dans cette Bible que se trouve que Christ a été ressuscité. Et c'est dans cette Bible qu'il se trouve qu'il est effectivement mort, qu'il est apparu 40 jours, qu'il est ressuscité, qu'on l'a vu et qu'il est apparu à ses disciples. Et c'est dans cette livre-là. Et vous allez voir que dans les passages qu'il va prendre, ce sont des passages où dans d'autres passages se trouvent des endroits où il nie carrément. Nous allons y arriver. Allons-y. Jésus, le Saint-Esprit et celle des apôtres. Aujourd'hui, par la permission du Très-Haut, je vais répondre à deux arguments que les chrétiens avancent. Le premier se trouve dans Marc, chapitre 16, verset 15. Il est dit que Jésus a dit aux apôtres, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Le deuxième, dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, Jésus aurait dit aux apôtres, « Allez et faites de toute la création, faites de toutes les nations, excusez-moi, des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà les deux arguments que les chrétiens utilisent habituellement. À cela, je réponds. Le premier utilisé dans Marc, chapitre 16, verset 15, n'a aucune valeur. Il n'est pas à prendre en compte. Pourquoi? Premièrement, les témoignés, dans la nouvelle traduction de la Bible du second, à note de bas de page, affilié à ce verset, que plusieurs manuscrits ne contiennent pas ce verset, ne contiennent pas toute la partie à partir du verset 9 au verset 20. C'est-à-dire que Marc, chapitre 16, dans plusieurs manuscrits, s'arrête au verset 8. La Bible de Jérusalem, à la note de bas de page affiliée à ce verset, elle témoigne que celui qui aurait écrit ces versets, il se pourrait que ce ne soit pas Marc. Et que plusieurs manuscrits ne portent pas cette fin, et que la fin de Marc aurait disparu pour des raisons inconnues, et qu'une personne, c'est-à-dire une main inconnue, aurait rédigé la fin pour remplir ce monde, ce manque, ce vide. Et enfin, dans la nouvelle traduction par l'édition Bayard, il est témoigné que les manuscrits primitifs les plus anciens s'arrêtent brutalement au verset 8, sur le silence des femmes, et que le verset 9 à 20 ne sont pas présents. Et qu'il se pourrait que ce soit un proche de Luc qui aurait rédigé cette fin et qui aurait mis ça pour le compte de Marc. Donc on a trois témoignages qui prouvent que ces versets-là sont douteux et que plusieurs manuscrits ne contiennent pas cette fin. Il est même dit que certains manuscrits contiennent une fin en quatre versets et non pas du verset 8 à 9, du verset 9 à 20. Ça c'est la première réponse. Donc Marc, chapitre 16, verset 15, on le met de côté, ça a éliminé. Voilà. Donc, la démonstration est claire et c'est exactement ce qui est écrit. Si vous prenez toutes vos Bibles, effectivement, Marc se termine effectivement dans le chapitre 16, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Vous allez voir que dans certaines Bibles, c'est mis entre guillemets, entre crochets, pour signifier que le texte a été ajouté. Et ce que cette garçon de l'islam déclare est vrai, effectivement. Et c'est ce qui montre que les chrétiens n'ont rien à voir avec la traduction de la Bible et qu'ils n'ont rien à voir ou rien à cacher, justement, parce qu'ils ont réécrit tel que c'est là. Les traductions traduisent en mettant exactement ce qu'il en est. On va toucher le cas de l'islam maintenant, mais je vais dire quelque chose là maintenant. Il faut savoir que, il y a eu plusieurs transcriptions des manuscrits. Et comme il le dit de sa propre bouche, il le dit de sa propre bouche, ne sachant pas qu'il a révélé la vérité au monde entier. Et cette vérité, c'est que il a dit lui-même que plusieurs des manuscrits ne contiennent pas le verset 9, s'arrête au verset 8. Il a dit plusieurs, il n'a pas dit tous les manuscrits. Donc, ça veut dire qu'il y a des manuscrits qui contiennent cela. Donc, si tu avais au moins dit que tous les manuscrits n'ont pas cela, alors on aurait compris. Ça veut dire que ça dépend des traductions des différents manuscrits. De la même façon, comme vous avez aussi des guerres entre vous, les chiites et les sunnites, ainsi de suite. Bon, maintenant, parlons de l'islam maintenant, parlons du Coran proprement dit. Que dit des trois versets concernant la lapidation dont Aïcha a expliqué dans certaines sourates que la chèvre a mangé la lapidation, le verset particulièrement sur la lapidation. Maintenant, voici Allah qui dit clairement dans le Coran que rien ne peut altérer sa parole, qui détient la souveraineté des univers et des mondes, qui domine sur toute la création, qui envoie sa révélation et que dont on n'écrit pas sur une peau, sur une feuille, et que la chèvre vient manger. Ça te semble quoi? Mais maintenant, tu dis qu'on doit mettre ceci de côté parce que c'est écrit comme ça. On a écarté le livre des les versets 20, 9 à 20, tout simplement parce qu'on a écrit clairement là-bas à toute la création. Donc tu as utilisé l'argument pour éliminer le fait que ce cas-là déjà, on ne veut même pas y en discuter parce que ça a été ajouté. Alors que dit donc des versets sur la lapidation 3? Il n'y a aucun verset dans le Coran que tu tiens devant toi. Tu lis chaque jour dans les mosquées et chez toi. Tu pries chaque jour. Et tes amis musulmans lapident des femmes, lapident des hommes dans le pays du Moyen-Orient, dans votre pays musulman. Vous lapidez à cause de la charia. Alors qu'aucun verset dans le Coran ne parle de la lapidation. La sourate chapitre 24, verset 2, dit clairement, donne la sentence de 100 coups à toute personne, sans coup de fouet, à toute personne qui est surpris par exemple de la fornication. Donc le péché de la fornication est clairement libéré là-bas et la punition est de 100 coups. Mais nulle part on ne parle de la lapidation. Pourquoi lapidez-vous les gens alors que le verset a été abrogé, a été mangé? Et ce n'est pas Allah. C'est maintenant que vous allez commencer à utiliser les philosophies sur l'abrogation. Vous allez commencer à parler qu'il y a trois niveaux de l'abrogation. Quand Allah abroge, il donne telle ou telle chose. Pourquoi faites-vous cela alors que le Coran n'a pas dit cela? Pourquoi lapidez-vous? Où se trouve dans le verset de la lapidation? Allah s'était-il trompé en donnant le verset? Ne savait-il pas que la lapidation devait avoir lieu? Pourquoi faites-vous donc cela? Vous allez commencer à utiliser les différentes dérives pour pouvoir parler en disant que le hadith tel a dit telle chose et les hadiths se contredisent. Il faut maintenant que tel savant prouve que telle autre chose est vraie alors que vous-même vous ne vous entendez pas sur les hadiths. Donc, le fait que Marc chapitre 16 finit au verset 9 et que tu peux éliminer cela en disant que c'est ça qui fait qu'on élimine, éliminer donc la pratique de la lapidation, puisque aucun verset coranique ne nous dit la chèvre l'a mangé. Si la chèvre l'a mangé, c'est terminé. Vous parlez de de verset qui a disparu par rapport à la lapidation, vous parlez que c'est abrogé par un hadith. Est-ce qu'un hadith a le Coran, a l'autorité d'abroger un verset coranique? Si c'est comme si tel est le cas. Mais je rappelle pour tous ceux qui m'écoutent maintenant qu'il existe trois types d'abrogation des versets coraniques. Le premier niveau se trouve, c'est l'abrogation de la lecture, mais pas de l'application. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le verset est retiré du Coran, mais continue à être appliqué. La deuxième forme de l'abrogation concerne l'application, mais pas de l'abrogation de l'application, mais pas de la lecture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le verset continue à être dans le Coran, mais le verset reste dans le Coran, mais cesse d'être appliqué. C'est-à-dire qu'on peut bien lire cela, mais on n'applique pas cela. Il y a le troisième niveau maintenant de l'abrogation de la lecture et de l'application. C'est-à-dire quoi? Le verset est retiré du Coran et cesse d'être appliqué. Donc, le verset donc de la lapidation a été enregistré dans le Coran durant l'époque de Mohammed. Mais juste après sa mort, une chèvre est entrée en scène dans la maison d'Aïcha et a mangé la page sur laquelle ce verset a été inscrit. Dites-moi, c'est quelle étape de l'abrogation ici? Donc, c'est la chèvre qui a abrégé. Donc, c'est la chèvre qui a abrégé alors le Coran. La chèvre a mangé le Coran, le verset coranique, et Dieu Allah dit que rien ne peut altérer sa parole. C'est la chèvre qui a mangé tout un verset, qui traite d'un sujet si important comme ça. Et aujourd'hui, vous continuez à le faire. Il y a maintenant un monsieur, maintenant, ce qu'on appelle Ibn Kutayba, qui a essayé de verser dans l'élucubration, comme celui-ci a laissé verser comme ça, qui a essayé de débattre tant bien que mal pour résoudre ce problème-ci avec le problème de la lapidation. Dans son livre intitulé Résoudre les contradictions entre hadith, il a déclaré que la chèvre était un animal sacré. Et il lui-même pose la question, pourquoi ne pas croire en la puissance d'Allah comme il détruit le peuple d'Ahad et de Thamud, il est également capable de détruire ses révélations en utilisant même une chèvre. Alors, il a détruit la révélation. Et le Coran dit que lorsque un verset est abrogé, un verset coranique est abrogé, nous abrogeons cela pour donner encore quelque chose qui lui est égal et que, ou bien quelque chose qui est supérieur. Oui, ça a été abrogé. La chèvre a donc mangé. Quel est le verset qu'on a donné qui lui est équivalent ou bien qui est au supérieur? Vous donnez ce qui est meilleur. Il a commencé avec les élucubrations pour pouvoir essayer de détailler. C'est comme ça que vous entrez dans la confusion parce que le prince des ténèbres, le prince de la confusion est avec vous. Que Dieu vous vienne vraiment en aide. Continuons et écoutons-le dans sa démonstration démoniaco-islamique. Il reste Matthieu, chapitre 28, verset 19. Les chrétiens voient en cela que Jésus a envoyé les disciples vers l'humanité, vers les nations, c'est-à-dire même les païens. À cela, je réponds, est-ce réellement l'ordre du Christ? Est-ce que cela fait du Christ un envoyé à l'humanité? Non. Pourquoi? Parce que moi, je vous ai répondu par les paroles du Christ lui-même. C'est-à-dire, le Christ dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Donc, apportez-moi des versets où Jésus dit, j'ai été envoyé pour l'humanité. Voilà, voilà, voilà donc cette technique dont là-dedans. Ça veut dire que ce garçon s'y reconnaît que le livre de Matthieu est inspiré. Parce qu'il cite Matthieu chapitre 10 en disant clairement, et il va y revenir plusieurs fois, comme dans toutes les autres démonstrations musulmanes, ils vont prendre les versets qui voudraient que ça soutienne leur satanicité, mais ils ne pourront pas accès à la totalité. Donc maintenant, il est obligé parce qu'il a éliminé le verset 9 à 20 de Marc, suivant le dans sa démonstration. Il s'est retrouvé confronté maintenant à Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19, 20. Alors il faut qu'il définisse maintenant, il redéfinisse maintenant les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Donc il peut mieux comprendre la Bible plus que les chrétiens. Il peut mieux expliquer aux chrétiens clairement ce que Jésus a dit, disait à ses disciples. Donc il peut bien expliquer et c'est ça qu'il a voulu expliquer. Donc je vais arriver sur un point. Il cite comme ça que la parole du Seigneur Jésus-Christ dans le Matthieu chapitre 10 a été claire. N'allez pas vers les païens, ni vers les, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez vers les brebis égarées des enfants d'Israël. Donc il reconnaît par là que le Seigneur Jésus-Christ a dit clairement ces paroles-là. Et c'est dans ce livre de Matthieu au chapitre 13, le Seigneur Jésus-Christ va dire clairement que c'est lui qui a créé toutes choses. Est-ce que tu crois cela, mon cher ami, mes chers musulmans? Est-ce que vous croyez que c'est vous, c'est Jésus-Christ qui vous a créé? Or, il a dit clairement que c'est le Fils de l'homme qui a semé la bonne semence sur la terre. Donc, il a dit qu'il était créateur. C'est ce qui est écrit. Dans ce livre de Matthieu, chapitre 21, chapitre 23, 24 et 25, il a dit clairement qu'il devait être élevé, il devait être tué. Il a dit clairement qu'après 3 jours, il sortirait. Il a dit ça clairement dans ce livre de Matthieu, avant d'arriver là-bas. La Bible déclare à partir de où tu peux prendre dans ta démonstration le chapitre 28, verset 19, verset 20, 19 et 20. Or, le verset 27 et suivant parle de la passion, de la crucifixion, de la résurrection et de la présence du fait que le Seigneur qui leur a donné le rendez-vous au verset 16 sur la montagne pour qu'ils se rencontrent là-bas avant qu'il leur donne ses paroles. Donc, tu crois déjà que cette parole a été prononcée par le Seigneur Jésus. Or, il a prononcé à sa résurrection. Donc, indirectement, mes chers musulmans, ce monsieur, en train de vouloir vous dire qu'il croit que Jésus est ressuscité, il a prêché après sa résurrection. Parce que ce verset-là est donné uniquement. Il dit, je ne vais pas encore sur le point de prêcher au monde entier, à la nation, que veut dire nation, comme il veut entrer, mais je veux que vous regardez en arrière-plan, qu'il veut prendre cela pour montrer. Il croit fermement que c'est Jésus qui l'a prononcé. Donc, il croit que Jésus-Christ a parlé après sa résurrection. Or, les musulmans enseignent dans le Sourate chapitre 2 que Christ n'a jamais été élevé. Là, que la nuit qu'on l'a élevé, qu'on l'a arrêté, on a transformé l'image et Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé à quel moment donc? Dans votre Coran. Puisque vous avez la totalité, la vérité. Alors, en arrière-plan musulman, voici les techniques des mensonges. On va prendre un verset pour soutenir les arguments musulmans. Mais plus tard, quand on va vouloir expliquer ce que ce verset-là dit, on va renier que ce n'est pas inspiré. C'est ce que je vais établir. Ces versets ne se trouvent pas bien sûr dans la Bible. Deuxièmement, est-ce réellement l'ordre du Christ? On va voir que non. Car le véritable ordre que le Christ a donné aux apôtres, on le voit dans Matthieu chapitre 10, verset 5, à partir du verset 5, lorsqu'il est dit que Jésus, ayant choisi les 12 disciples, c'est-à-dire au début il cite les noms de ceux qu'il a choisis pour être ses disciples, ensuite, les ayant choisis, il leur donne un ordre. Il dit quoi? N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens, c'est plus que clair. C'est-à-dire n'allez pas vers les non-juifs. N'allez pas vers les samaritains. N'entrez pas dans la maison des samaritains. C'est encore des non-juifs. Mais allez plutôt, écoutez bien l'ordre du Christ, allez plutôt vers les brebis égarées de la maison d'Israël. C'est plus que clair. Voilà, c'est plus que clair dans ce verset, comme il a dit effectivement, que allez plutôt, verset 5 dit clairement, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. On va y revenir maintenant. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà le verset sur lequel se basent les pieds de la Kaaba pour essayer de détruire Jérusalem. Bon, maintenant, regardons maintenant dans ce livre des chapitres, dans ce Matthieu chapitre 10 particulièrement, il est écrit au verset 32 que c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Jésus prononce, notre Seigneur, dans ce même livre, a prononcé que Dieu est son Père. Et vous dites clairement que Dieu n'a jamais engendré, il n'a pas de fils. Maintenant, crois-tu donc, si tu crois que le verset 5 dit que Jésus a dit à ses disciples de ne pas aller vers les païens ni vers dans les villes des Samaritains, alors crois que Jésus a appelé Dieu son propre Père. Donc, Jésus a ouvert sa bouche pour dire que Dieu était son Père. Donc, Dieu a un fils. Et par conséquent, le Jésus dont la Bible parle ici n'a rien à voir avec vous, votre Allah, qui n'a pas de fils. C'est ce qui est écrit ici. Verset 33 dit, mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il a bien dit clairement que c'est son Père qui est dans les cieux. Donc, comme tu as dit que ce verset était clair, ce verset 5 était clair, clairement que il a dit clairement de ne pas annoncer aux païens, il a également dit ici que Dieu est son Père. Donc, je veux que vous sachiez que déjà que Dieu a un fils. Dieu a un fils qui s'appelle Jésus. Donc, si votre Dieu n'engendre pas, il n'a jamais engendré, ce n'est pas le même Dieu que Jésus a parlé qui est dans les cieux ici. Continuons. On a aussi une parole, je vais la lire, dans Matthieu, chapitre 19, verset 28. On commence le verset 27. Alors Pierre prit la parole et lui dit, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? En d'autres termes, il dit au Christ, au Jésus, on a tout quitté pour toi, on a tout abandonné. Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire au jour dernier, sera assis sur le trône de sa gloire, vous-même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Les apôtres seront assis sur 12 trônes, c'est-à-dire il n'y a pas un 13e trône, un 14e, un 15e trône. Voilà donc le manque de sagesse. La Bible déclare que le manque de sagesse n'est bien pour personne. Mais en fait, je ne te plains pas. C'est parce que le Dieu Baal, le Dieu. Le démon Lat, malade et autres, et tous les autres Lat, donc vous ont aveuglé au point où vous ne pouvez pas savoir. Si tu ne savais pas, il y a 24 trônes en plus à côté devant le trône, c'est ce qu'Apocalypse dit. C'est Jean maintenant, l'un des disciples authentiques, comme tu parlais des disciples authentiques du Seigneur Jésus, qui va également dire il y a 24 trônes sur lesquels sont assis 24 vieillards. Bon, comme tu évites l'apôtre Paul, j'évite de citer, comme il a dit que nous allons juger même les anges, et ainsi de suite. Donc, je te conseille cela. Mais ce que vous comprenez, vous les musulmans, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a double mission. Je l'ai déjà expliqué, et tous les versets de Bible le disent, et je vais encore retoucher quelques versets maintenant pour que vous quittiez des ténèbres pour l'admirable lumière. Alors, donc, continuons. 12 trônes, concernant seulement les 12 tribus d'Israël, ils vont être interrogés, ils ne vont juger que ceux vers qui ils étaient envoyés. Pas plus. Ça, c'est une deuxième preuve qui prouve que les apôtres, leur mission aussi se limitait qu'aux enfants d'Israël. Ça, c'est pour répondre au fait que l'ordre, le véritable ordre donné par Jésus, c'est de ne pas aller vers les païens. Deuxièmement, que veut dire ce verset? Veut-il dire, quand il dit vers les nations, veut-il dire toutes les nations, tous ceux qui se trouvent dans les nations, même les païens? Non. Il veut simplement dire aller chercher les juifs qui sont dispersés dans ces nations. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a la meilleure explication plus que la Bible elle-même. Il veut comme ça dire, parce qu'il sait que les musulmans ne recherchent pas Dieu de la bonne façon, ou bien ne lisent pas la Bible de la mauvaise façon. Ils vont lire avec les lunettes que eux ils ont déjà attribuées à ceux-là. Ils disent, qu'est-ce que veut dire ce verset? Donc, il veut expliquer ce que veut dire nation. Tout à l'heure, je vais également lire la même chose, et dans le Coran et dans la Bible, et je vais te dire que ça dit clairement ce que ça dit. Et vous allez voir effectivement qu'il va falloir maintenant que vous redonnez encore la définition d'autres choses. Tu as dit que Matthieu chapitre 10, verset 5 est clair par rapport à la mission de Jésus. Il a dit que n'entrez pas chez les païens, n'allez pas chez dans la ville des Samaritains. Tu n'as pas voulu expliquer. Tu as dit que c'est clair. Mais ici, tu as lu maintenant Matthieu, allez dans les nations. Si tu veux maintenant expliquer mieux que Jésus qui a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Tu as dit qu'il faut qu'ils partent, c'est les 10 dispatchés dans la diaspora. Suivant. Car si vous connaissez l'histoire juive, vous allez voir que les juifs ont subi plusieurs diasporas. dans cette diaspora-là, ils ont été dispersés dans différentes nations. Et c'est vers ces Juifs, ne se trompent pas à Jérusalem, que Jésus envoie les apôtres pour que la parole leur arrive même à eux, car il l'a envoyé à tous les Juifs, ceux se trouvant à Jérusalem et ceux qui sont été dispersés. Ce qui prouve ça, déjà premièrement que les Juifs ont été dispersés, qui se trouvaient dans toutes les nations, on a Actes chapitre 2. Voilà, donc il veut de reconnaître par là que Actes chapitre 2 en train de raconter, une fois de plus j'ai dit, c'est les techniques des mensonges. Vous remarquez très bien qu'il ne parle pas du Coran, il parle de la Bible, mais dans son objectif c'est d'aller dans la Bible pour prouver que les chrétiens ont tort avec leur propre Bible. C'est ce qu'ils appellent retirer de l'huile sur le poisson pour le frire. Alors donc il va dans Actes chapitre 2. Pour reconnaître par là que Actes chapitre 2 est inspiré, donc parce qu'il veut prendre l'argument du fait que les Juifs n'ont jamais été envoyés parmi la diaspora pour l'histoire juive, parce que les Juifs étaient venus au temple à ce moment-là, à la Pentecôte, pour pouvoir le faire. Or, le chapitre 2, avant d'arriver au chapitre 2, pour prendre le fait qu'il y avait plusieurs Juifs qui sont venus en séjour à Jérusalem, il y a le chapitre 1 où le Seigneur Jésus a dit que les chrétiens sont censés recevoir le Saint-Esprit. Je laisse les chrétiens à part, il parle des disciples, des apôtres qui sont au-devant de lui. La Bible déclare clairement là-bas que quand les apôtres étaient réunis, ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, au chapitre 1, verset 5 suivant, que est-ce en ce moment-ci que tu rétablis le royaume d'Israël, dont le royaume d'Israël doit être rétabli. Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé sa propre autorité. Donc, il a encore appelé Dieu son Père. Donc, il y a un, la notion d'Israël qui doit être rétablie. Deux, la notion de Jésus qui appelle Dieu son Père. Trois, il est ressuscité et il les a donné le rendez-vous là-bas. On a dit clairement là-bas qu'il leur a apparu pendant 40 jours. C'est montré de plusieurs manières. C'est ce qui est écrit au chapitre 1. Au chapitre 1 finit par le fait que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous. Je reviens sur m'arrêter sur la terminologie Saint-Esprit. Chez vous, le Saint-Esprit est connu sous le nom de Jibril, de Gabriel. Ce qu'on appelle Gabriel, celui qui a inspiré le Coran à Mohamed. Alors, d'après toi, quand tu lis le chapitre 2, ça suppose que tu crois que le chapitre 1 également, parce qu'on passe au chapitre 1 pour aller au chapitre 2. On a parlé du Saint-Esprit là-bas, et c'est le Saint-Esprit qu'ils attendaient comme étant la promesse. Donc, ils attendaient Gabriel. Il faut que vous vous réveillez, que Dieu vous enlève le voile musulman. Puisse-t-il vous donner, vous conduire dans la vérité. Puisse-t-il vous conduire dans la vérité. De toute façon, il va conduire tous ses enfants dans la vérité qui le cherchent de tout le cœur, qui ne se laissent pas aveugler par les livres et par les prêches des différentes personnalités qui se sont érigées dans le démon et dans les soufis appelés les démons, les savants. Donc souvenez-vous, il va au chapitre 2 parce qu'il veut argumenter du fait qu'il y avait des gens de la diaspora. Mais c'est toujours là-bas que nous allons, chaque fois qu'il va prendre un livre, nous allons avancer dans le même livre pour voir effectivement qu'il a utilisé comme ça les techniques des mensonges. Au verset 5, qu'est-il dit? Or, il y avait en ce jour-là, à Jérusalem, des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Le jour de la Pentecôte, il y avait des Juifs venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que chacun parlait la langue de la nation dont elle est issue. Il y a deuxième preuve qui se trouve dans Jean chapitre 11. Et bien, il a dit effectivement qu'on lise la suite. Et la suite, si nous regardons à partir du verset 11, on dit clairement « Crétois et Arabes ». Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, l'apôtre du Seigneur Jésus, Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Écoutez très attentivement. Il a pris le verset 5, je vais relire le verset 5 qu'il a lu tout à l'heure. Le verset 5 dit que, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, virgule, hommes pieux, virgule, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, en lisant ce verset, on peut admettre qu'on a déjà parlé des Juifs qui sont des hommes pieux qui sont dispersés parmi les nations. Mais maintenant, lisons le verset 14 que l'apôtre Pierre, lui, il était présent. Mais ces garçons possédés par l'esprit mohammedan veulent faire comprendre que tous ceux qui étaient devant de lui étaient des Juifs seulement qui sont venus de la diaspora. Mais regarde ce que l'apôtre Pierre, qui était présent et qui est un témoin oculaire, va dire. Il dit, verset 14, alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes-ci. Hommes juifs, il vient de finir. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc l'apôtre Pierre ne pouvait pas ouvrir la bouche pour parler des hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, si tous les deux groupes étaient des juifs. Il a dit hommes juifs et tous qui séjournez à Jérusalem. Il a dit les juifs. Il n'a pas dit hommes juifs de Jérusalem et vous tous les autres juifs qui sortez de l'extérieur. Donc il y a les juifs d'un côté et les païens de l'autre qui ont été là présentement alors qu'ils prêchaient. Suivant. Oui. Donc dans Jean chapitre 11, on va commencer verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. 52, verset 52. Non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Pour faire quoi? C'était quoi le but? Réunir en un seul corps, réunir qui? Les enfants de Dieu, c'est-à-dire les juifs qui sont dispersés dans les nations. Voilà, voilà, voilà. Et la même technique sera utilisée contre eux parce qu'ils utilisent un verset de la Bible pour contredire un verset de la Bible. Le premier principe chez les musulmans, c'est que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort. Or, il dit clairement, lui-même, il a lu ici, parce qu'il est en train de vouloir aller au verset qui dit que le but de l'acte du Seigneur Jésus-Christ, ce sera de réunir dans un seul corps des enfants de Dieu dispersés. Donc, il va sur le mot dispersé pour montrer qu'il y a les juifs qui sont dispersés partout dans les nations. C'est eux que les apôtres sont censés aller prendre. Mais maintenant, il vient de lire quelque chose que Caïphe a prophétisé. On dit clairement, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa. Donc, c'est une prophétie et ça ne vient pas de lui. Si c'est une prophétie, ça doit s'accomplir. Que Jésus devrait mourir. Donc, c'est écrit clairement, mon cher musulman, que Jésus devrait mourir pour réunis dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Je vous fais fi d'expliquer ce que c'est que le corps et au-delà. Il n'a pas dit de réunir dans une nation, parce que la nation d'Israël, c'est la nation d'Israël. Le corps, c'est différent. Il n'est pas permis de donner les choses saines aux chiens. Si vous le voulez, venez à la lumière et recevez la lumière. Mais il veut te faire comprendre à toi, musulman, qui m'écoute maintenant, et à toi qui as fait cette vidéo, et à Abdou Majid, et tous ses acolytes et ses acolytes. Maintenant, il faut que vous sachiez que Dieu a fait prophétiser Caïphe ici parce qu'il était souverain sacrificateur, comme tu l'as lu de sa propre bouche, avant de traverser pour aller au niveau de... Ils sont dispersés. On a dit clairement que Jésus devait mourir, non seulement pour les nations, mais afin de réunir dans un seul corps des enfants de Dieu dispersés. Donc, tu viens de confirmer effectivement que si cette parole-là, du fait qu'on doit réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés, est vraie, alors Jésus devrait mourir. Ensuite, ça c'est pour répondre au fait que l'ordre de Jésus, ce n'était pas d'aller vers les païens des nations, mais d'aller seulement vers les juifs se trouvant dans ces différentes nations. De plus, on peut voir que les véritables apôtres du Christ, ils se sont accrochés à sa mission, dans leurs écrits, ne s'adressaient seulement qu'à ces juifs. Voilà, voilà. Vous avez suivi son langage. Le langage, c'est, nous voyons que les véritables apôtres de Christ, c'est pour cela que tout à l'heure, là, c'était les 12 prônes pour dire qu'il n'y aura pas 13, 14, ni quoi que ce soit, mais 12, les 12. Alors, on lui poserait la question, comment se fait-il qu'il y ait 12 alors que Judas était mort, puisqu'ils étaient 12? Il va accepter qu'entre les apôtres, que l'apôtre Pierre a fait voter, ils ont fait élire Matthias pour remplacer là-bas, pour que ça fasse encore 12. Et là, Jésus parlait que vous, les 12 qui m'avez suivi. Or, quand il disait cela, Judas était parmi. Donc, il devait dire Judas, de deux choses l'une. Soit Judas va être avec le Seigneur Jésus sur le trône pour juger les tribus d'Israël, ou bien vous admettez qu'il a trahi Jésus, il est en enfer, ou bien vous avez encore des incongruences. Maintenant, ce qu'il veut faire comprendre à vous tous les musulmans, c'est que lorsqu'il lit la Bible, il veut lire pour pouvoir montrer que la Bible est fausse, tout en prenant toujours le verset biblique qui l'admet déjà comme étant fausse pour montrer que c'est fausse. C'est la technique de retirer l'huile sur le poisson pour le faire frire. Vous qui êtes musulmans, nous savons cela. Alors, il dit maintenant, en prenant ce verset, il prend le verset en tordant le sens. Il prend le verset en tordant le sens. Je vous fais encore écouter. Écoutez très attentivement. Se trouvant dans ces différentes nations. De plus, on peut voir que les véritables apôtres du Christ. Voilà, vous avez entendu. Donc, il parle des véritables apôtres de Christ. Donc, ça, d'après la pensée musulmane, c'est pour ça qu'il dit, il y a un enseignement qui va aller, dont je vais donner, pourquoi l'apôtre Paul est l'apôtre, ou mieux, pourquoi l'apôtre Paul est la bête noire des musulmans. C'est parce que en fait, la grande révélation de Dieu lui a été donnée. C'est pour cela. Et il est clairement écrit dans le livre de Galates que l'apôtre Paul lui a écrit que de même que l'enfant qui était né selon l'esprit était persécuté par celui qui était né de la chair, en est-il maintenant? Comme ils n'ont pas, les musulmans n'ont pas la révélation de l'esprit, la révélation de l'esprit qui a été donnée par la pensée de Dieu dérange beaucoup. C'est pour ça qu'il va éviter dans cette vidéo, dans toute sa démonstration, de citer l'apôtre Paul. C'est donc pour cela qu'il va essayer tant bien que mal d'essayer de concocter pour dire que les véritables apôtres de Christ, Et effectivement, même avec cette même terminologie, nous allons suivre les apôtres de Christ et suivre Christ lui-même parce que nous allons revenir avec Matthieu chapitre 10, verset 5 dont il a cité. Nous allons revenir maintenant par rapport aux Samaritains et au-delà et voir dans la Bible quel est le plan de Dieu. Parce qu'il a dit au départ, que voilà les deux argumentations que les chrétiens prennent. Ce n'est pas deux argumentations qui se trouvent dans la Bible, c'est toute la Bible qui présente la mission, les différentes missions, les différentes venues du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller par la suite dans le prophète pour voir ce qu'il en est. Donc, ce n'est pas deux versets dans la Bible que les chrétiens utilisent pour le faire, c'est toute la Bible qui établit le ministère terrestre et futur du Seigneur Jésus-Christ, son règne et autres. Tu as dit tout à l'heure que... Bon, allons-y, continuons. Ils se sont accrochés à sa mission, dans leurs écrits, ne s'adressaient seulement qu'à ces Juifs. Pierre, dans le livre de Pierre, épître de Jacques, excusez-moi, au chapitre 1, verset 1, que dit-il en ouvrant son livre? Dès l'entrée de son livre, que trouve-t-on? Il dit à qui il adresse ce livre. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Il les salue après. Il dit quoi? Aux 12 tribus qu'on a parlé avant, dont les apôtres seront jugés, étant sur 12 trônes, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Donc Pierre s'adresse à qui? Aux païens? Non, aux 12 tribus juives d'Israël. Ensuite Pierre. Pierre toujours, dans l'ouvrage, épître de Pierre, première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion. Et ensuite il dit où est-ce qu'ils sont dispersés? Aux élus qui sont étrangers, et aux élus, c'est-à-dire aux juifs, qui sont étrangers, parce que les juifs pour eux sont le peuple élu, aux élus qui sont élus, aux élus qui sont dispersés, qui sont étrangers dans la dispersion. Ça c'était pour répondre, hein, au deuxième point, pour dire que l'ordre de Jésus n'était pas aux païens, à toutes les nations, c'est-à-dire tout ce que les nations contenaient, mais seulement aux juifs contenus dans ces nations. Voilà, donc je crois qu'on ne peut plus clair. Maintenant, dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 5, il a lu le début de l'apôtre Pierre, où il a dit à ceux qui sont étrangers et dispersés parmi les nations. Maintenant, regardons le chapitre 5, le verset 12 dit, « C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Puis il dit, l'église des élus qui est à Babylone vous salue ainsi que Marc mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Maintenant, il dit, c'est pas Sylvain. Sylvain, c'est un grec, mon cher ami, mon cher Sylvain, qui écrit. Il dit, c'est pas Sylvain parce que l'apôtre Pierre lui-même n'avait pas fréquenté. Selon Actes chapitre 4, il n'a pas fréquenté, il n'a pas étudié, donc il ne pouvait pas écrire. Il dictait, comme Jérémie dictait, Baruch écrivait. Il dictait cela à Sylvain, qui est un païen et qui est appelé ici frère en Christ. Donc, au milieu des chrétiens, d'abord, puisque tu parles de l'authenticité de l'apôtre, tu viens de citer effectivement que l'apôtre Pierre, qui écrivait ce livre-ci, écrivait comme ça aux juifs qui sont dans la diaspora. Or, là où il se trouve pour écrire cela, il écrit cela par un païen. C'est un païen qui en a écrit, qui s'est converti. Qu'est-ce que tu en dis maintenant, mon cher ami? Le voilà. On l'appelle Silas, si tu veux le suivre. Donc, ce n'est pas un juif, mais c'est un mondain. C'est quelqu'un de la nation qui écrit ce livre-là. Parlons de Jacques tout à l'heure, dans ce Jacques chapitre, le livre de Jacques, chapitre 1. Allons dans Actes des Apôtres suivre les disciples authentiques du Seigneur Jésus, ces disciples authentiques dont il a parlé. Allons au chapitre 15 des Actes des Apôtres et suivons ce qui est arrivé. Nous allons lire Actes des Apôtres doucement et on va suivre ce que l'apôtre Jacques dit. Verset 1, Actes des Apôtres, chapitre 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc, ça veut dire qu'il y a une discussion au milieu chrétien des Juifs dès le départ, dès la naissance de l'Église. Ils ont décidé qu'ils vont aller à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'ils vont retourner pour résoudre ces problèmes. Ils vont retourner vers les apôtres et les anciens, c'est-à-dire que ceux, les authentiques, comme tu es en train de le dire, comme vous dites, qui ont été avant lui dans la foi. Verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. C'est ce qui est écrit. Donc, quand ils passaient dans cette ville-là, les païens se convertissaient. Mais je vous mets encore ça entre guillemets parce que c'est l'apôtre Paul et Barnabas qui sont en train de parler. Racontant la conversion des païens et ils causaient une grande joie à tous les frères. Donc, ils ont raconté aux frères qui sont à Jérusalem, les apôtres qui sont à Jérusalem, qui étaient les authentiques prophètes, apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et ils n'ont pas résumé, ils ont été plutôt dans la joie du fait que Dieu a œuvré pour convertir les païens. Verset suivant dit, verset 4, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Donc, l'apôtre Paul et Barnabas ont raconté à l'assemblée maintenant de ceux qui étaient à Jérusalem, comment Dieu a agi avec eux. Les apôtres et les anciens, non, verset 5 maintenant, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Donc voilà le problème qui s'est posé à Jérusalem. À Jérusalem même, les païens étaient convertis, mon cher ami. Donc soyez délivrés au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le acte des apôtres que tu as pris tout à l'heure dit clairement que les apôtres authentiques, enfin on va les voir là-bas, dans cette assemblée-là, l'apôtre Pierre que tu as cité se trouve là-bas, l'apôtre Jacques que tu as cité se trouve là-bas, maintenant, et tous les autres apôtres, ils se trouvent là-bas, les apôtres authentiques du Seigneur, ils se trouvent là-bas avec l'apôtre Paul dont vous avez peur, se trouvent là-bas. L'apôtre Paul n'est pas venu raconter que les païens ont été sauvés, ils ont dit non, on a dit d'aller chercher les juifs de la diaspora, j'arrive là maintenant. Maintenant la Bible déclare, les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Ils ne sont pas réunis pour examiner le fait que les païens soient sauvés, ni le fait qu'on ait envoyé des gens vers les païens, mais au lieu d'aller chez les gens de la juifs de la diaspora, mais ils examinaient plutôt le fait que on en a dit aux païens qui ont cru au Seigneur, les païens qui ont cru. Maintenant, essaie d'interpréter païens maintenant comme si païens étaient les juifs de la diaspora. Il a dit que ce sont les païens, il n'a pas dit les gens de nation, les juifs de la diaspora. Parce que les juifs de la diaspora obéissaient justement à la loi de Moïse. Et ils étaient déjà convaincus, ils étaient déjà circoncis. Donc la circoncision était exigée plutôt à ceux qui ne sont pas circoncis, qui voulaient entrer dans l'alliance de Moïse. Maintenant, on dit les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Je recommence encore. L'affaire qu'on veut examiner n'est pas la conversion des juifs, mais c'est le fait que les juifs qui se. Les païens, pardon. Mais le fait que les païens qui se convertissent sont censés observer la loi de Moïse comme les juifs le faisaient. Maintenant, la Bible déclare verset 7. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva, Pierre, l'apôtre authentique du Seigneur. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens, tu peux maintenant dire que c'est les païens qui sont, les juifs qui sont parmi les païens, on a dit les païens, entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Donc, il vient de mettre la différence entre eux, les juifs et les païens. Il a dit qu'en eux et nous. Il n'a fait aucune différence entre nous aimés pour les juifs ici, et eux, qui sont pareils, et eux ici aimés pour païens, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc, les cœurs sont purifiés par la foi, pas par l'observance, la zakat et le pèlerinage à la main. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nous, ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Donc, il est en train de parler de nous ici comme étant les juifs présents et les pères des juifs qui étaient avant. Donc, il veut parler de sous le coup des disciples qui sont parmi les nations. Verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Donc, il y a nous ici, les juifs, qui sont dans cette assemblée et eux, les païens. Verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Saul. Donc, dans cette assemblée se trouvent les vrais disciples authentiques qui ont vu Jésus-Christ marcher dans la chair et qui ont suivi son enseignement et qui ont reçu la commission de Matthieu chapitre 10 verset 5 comme tu as cité qu'il a dit que n'allez pas vers les Samaritains, n'allez pas vers les païens, n'allez pas ici. Maintenant voici donc les apôtres Barnabas et Saul qui sont sortis des milieux de païens, qui sont rentrés et lui racontaient. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Saul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Et il y en a pêle-mêle là-bas, au chapitre 14, il sera à l'icône, il va guérir cet homme-là, la Bible déclare qu'il avait la foi pour être guéri. Et les hommes-là n'étaient pas des juifs, c'était des païens, parce qu'ils ont dit qu'ils ont appelé l'autre Jupiter et l'autre Mercure. Donc ce sont des païens, les juifs ne font pas de telles choses. Donc il a raconté ces miracles-là ici, dans le chapitre 14 par exemple, on parle. Verset 13 dit, lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole. Je prends ceci parce que tu as cité Jacques et tu as cité Pierre, voilà pourquoi je prends ceci. Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc Dieu a jeté les regards sur les nations. Il a choisi un peuple qui porta son nom, Israël, Israël. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Donc Dieu a donné une prophétie de la chute et du relèvement d'Israël. afin que le reste des hommes, pas les hommes des autres nations, pas les hommes des juifs de la diaspora, il a dit, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. C'est ce qui est écrit dans le livre des prophètes. Maintenant, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Puis il dit verset 19, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. C'est Jacques qui a écrit à la dispersion, à ceux, aux 12 tribus, qui a donc dit cela. Musulmans menteurs, avec les techniques sataniques de mensonge. Donc, ce n'est pas le fait qu'il a écrit aux juifs de la diaspora, à ceux aux 12 tribus, qui veut dire clairement, qui veut établir clairement que Dieu n'a envoyé les juifs que vers les apôtres que vers les juifs qui sont à la diaspora. Parce que ce qui est écrit clairement, que c'est Jacques-là a ouvert sa bouche pour dire que, en citant les Écritures, les anciennes Écritures, on va y aller maintenant dans Ésaïe, Osée, Abdias, Abakouk et autres, là-bas, on va voir tout ce que Dieu avait dit dans les prophéties. C'est normal que vous ne compreniez pas, parce que le voile de la Kaaba a couvert votre visage. Brûlez le Coran et voyez effectivement comment vous allez avoir la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Brûlez seulement. Maintenant, il est dit ici que c'est pour verset 19, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on les écrive de s'abstenir des souillures des idoles, parce que les païens adoraient plutôt les idoles, de l'impudicité, ils vivaient dans l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Donc, dans les villes où se trouvent ces païens-là, où se trouvent les tribus justement juifs de la diaspora, on les prêchait dans les synagogues, ces choses-là, mais c'était pour les juifs. Maintenant, les païens, on voulait que les païens fassent la même chose. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas, et Silas, homme considéré entre les frères. Il est chargé d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens. Aux frères d'entre les païens. Ce sont des juifs authentiques. Ce sont des frères authentiques qui se nomment juifs. Ils n'ont pas dit aux juifs d'entre les païens. Ils ont dit aux frères d'entre les païens. Les frères qui sont ici. Donc ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ qui se trouvent parmi les païens. Et des qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Saul. Ils appellent Barnabas et Saul les bien-aimés. Donc, ils connaissaient ce que l'apôtre Paul enseignait. Ils avaient admis comme étant authentiquement un disciple et un apôtre du Seigneur. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont l'apôtre Paul, Jacques que tu dis être l'authentique disciple, a dit clairement ici devant Pierre et autres que l'apôtre Paul a exposé sa vie pour le nom du Seigneur Jésus. Donc il ne faut pas mourir en enseignant le mensonge et il vient aux côtés de ceux-ci et ceux-ci l'admettent. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit. Et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Maintenant, voilà donc ce qui est écrit. Donc, en réalité, les païens, les juifs authentiques, comme tu voulais mentir, ont prêché aux païens. Ils sont allés vers les nations. Et ce n'est pas eux seulement. Revenons dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, là, lisons le verset 5, puis allons quelque part. Allons-y. Clairement quelque part. Matthieu chapitre 10, je vais lire encore le verset 5. Donc vous prenez votre socle. Verset 5 dit, tels sont les 12 que Jésus a envoyé après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Donc il y a deux instructions. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Nous allons aller chez Jean chapitre 4. Je vais lire doucement. On va voir ce qu'il en est maintenant. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 1 et suivant disent, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quittait la Judée et retourna en Galilée. Écoutez très attentivement, verset 4, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près des champs que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie, c'est écrit une femme de Samarie. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine, c'est écrit la femme samaritaine, donc l'habitant de la Samarie. Vous pouvez encore dire que c'était une juive qui habitait dans la Samarie, mais la suite du verset va nous dire le contraire. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? On explique maintenant, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc il est clair ici que il s'agit d'une population qui est différente de la population juive. Donc il ne s'agit pas de la population déversée comme on a le ce livre des rois parle, mais c'est un mélange de personnes qui sont authentiques. Je vous épargne de l'histoire des juifs de la Samarie. Allez lire dans la Bible maintenant, chercher les contradictions plus tard. Maintenant, ce qu'il veut dire, c'est ceci. La Samaritaine, si elle le dit clairement, qu'il est différent, elle est différente du Seigneur Jésus-Christ qui se trouve devant elle, parce qu'elle appelle Jésus-Christ juif, elle appelle Samaritain. Et or, Matthieu chapitre 10, verset 5, la partie B dit clairement qu'on n'entre pas dans la ville des Samaritains. Or, Jésus-Christ se trouve ici en Samarie, dans un village de la Samarie. Et il a rencontré quelqu'un de la Samarie qui est différent d'un juif qui est allé à l'intérieur. Donc, ce n'est pas un juif ici, mais c'est un Samaritain. Ok, maintenant, deux choses l'une. Soit vous admettez que en Samarie, il y avait des gens qui sont des Samaritains auxquels on ne peut pas prêcher. Et dans ce cas, c'est à eux que Jésus-Christ disait. Et plus tard, vous voyez que Jésus-Christ a contredit, s'est contredit lui-même en faisant aux Samaritains, en allant chez les Samaritains et avec les disciples avec. Continuons la lecture ici. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Et es-tu plus grand que notre père Jacob? Vous voyez, cette Samaritaine appelle Jacob leur père parce qu'ils avaient la même loi, mais mélangée avec leurs tribus, comme avec les différentes falsifications. Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillirait jusqu'à dans la vie éternelle, pas jusqu'au temps d'Israël, mes chers musulmans. Venez à Jésus-Christ, vous tous qui avez soif, vous qui cherchez la vérité, venez et buvez de cette eau. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici, puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, vous voyez comment, dans la douceur, on reconnaît comment quelqu'un est prophète. Pas que tu es les tous, combattez, pour qu'on sache que tu es prophète. Verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, dont Dieu est le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, comme les musulmans le font. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs, amis musulmans. Que ça vous énerve, il n'y a pas de problème. Que ça vous énerve. Le salut vient des Juifs. Que tu l'admets ou non, le salut vient des Juifs. C'est Jésus qui a prononcé ça de sa propre bouche. C'est Jésus qui a dit cela. Si vous voulez sauter, calant, aller ou bien prenez le daga. Le salut vient des Juifs de toutes les façons. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pas en faisant les ablutions. Pas en faisant la zakat. Non, non, non, non, non, non. Pas en allant à la Mecque en accomplissant les cinq piliers. Non, non, non, non, non, non. Adorons le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande, il ne demande pas que tu aies la tache noire sur ton front pour montrer que tu es un vrai adorateur. Non. Il ne demande pas que tu récites les 99 noms, les plus beaux noms de Allah pour pouvoir hériter du paradis. Non. Il ne demande pas que tu récites le Coran totalement par cœur pour avoir l'accès au paradis. Non, non, non, non, non, non. Il dit que les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Il dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père ne demande pas, Dieu ne demande pas qu'on accomplisse les zakat et autres là-bas. Il demande ceux qui cherchent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Donc, c'est le Messie. La femme samaritaine connaissait que le Messie qui est censé conduire les gens vers le Père. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Voilà une femme qui connaît mieux que vous. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Donc, mes chers amis, Jésus qui a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 5, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, le voici en plein dans la ville des Samaritains avec ses disciples. Qu'est-ce que vous en dites? C'est aussi clair aussi qu'il se trouve dans le territoire des Samaritains. Or, il leur avait dit de ne pas entrer dans la ville des Samaritains. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Que Dieu vous vienne en aide, qu'il vous vienne en aide. Verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et m'amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans le travail. Verset 39, écoutez très attentivement. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, la femme est allée dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est à la population de la Samarie, de cette ville-là, de cette contrée où se trouvait le Seigneur Jésus. Cette femme est entrée, il a dit, elle n'est pas entrée appeler les Juifs de la diaspora. Non. Elle est venue dire, écoutons, suivons la suite. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Amis musulmans, Jésus qui a dit à ses disciples de ne pas entrer, Jésus qui a dit aux Juifs de ne pas dormir, de ne pas entrer dans la maison, dans la ville de Samarie, entrer dans la ville de Samarie, dormir avec ses propres disciples là-bas pendant 2 jours, c'est ce qui est écrit là-bas, verset 40. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu. Donc Jésus est resté là-bas, il a prêché. C'est ce qui est écrit clairement ici. C'est ce qui est écrit clairement là-bas. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Que Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Verset 43 finit par, après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Donc, Jésus, notre Seigneur, après avoir envoyé les Juifs pour rechercher, comme vous le dites, en interdisant d'aller chez les païens, ni vers la diaspora, on voit clairement que lui-même il est allé. Et il n'a pas seulement sauvé les Juifs qui étaient à la diaspora. Prenons encore notre passage. Je vous donne les biscuits comme vous aimez de vous en donner. Je vous donne encore notre biscuit maintenant. Luc chapitre 17. Prenons le livre de Luc au chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 23. Lisons très attentivement. À partir du verset 11. Luc chapitre 17, verset 11 et suivant. La Bible déclare, Jésus se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur et au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, écoutez très attentivement mes chers amis, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Ça vous choque, ça vous choque. C'était un Samaritain. C'est écrit clairement que c'était un Samaritain. On n'a pas dit que c'était un Juif de la diaspora. Mes chers amis, il faut que vous soyez délivrés. La Bible déclare ici que c'était un Samaritain, donc un habitant de la Samarie. Vous pouvez dire que c'est un habitant de la Samarie, mais Jésus va donner l'explication de qui il était. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Jésus dit, viens d'ici que celui-ci vient donner, il vient donner comme ça gloire à Dieu. Mais il dit que Il y avait 10 personnes. 9 ont été guéris, tous les 10 ont été guéris, mais celui qui est venu rendre grâce à Dieu, qui est Jude lui-même Jésus, est venu rendre grâce à Dieu, c'est un étranger. La Bible appelle Samaritain un étranger. Alors mes chers amis, Jésus va prononcer une parole fracassante pour lui-même. Non. Verset 20 dit, verset 19 dit, puis lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc Jésus a guéri non seulement un Samaritain, mais il l'a sauvé. Parce qu'en venant se prosterner devant lui, il l'a guéri. Il était déjà guéri. Parce que les 9 autres aussi ont été guéris. Et les 9 autres qui étaient guéris étaient des Juifs aussi. Donc parmi les 10, il y avait un Samaritain. Un. Il dit, ne s'est-il trouvé que ce Samaritain pour venir rendre gloire à Dieu? C'est ce qui est écrit, mes chers amis. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez faire comment maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Jésus a guéri et sauvé un Samaritain durant son ministère terrestre. Et c'était un Samaritain, un étranger. Qu'est-ce que vous en dites? Je prends maintenant, parce que vous, comme vous ne comprenez pas, dans le livre de Matthieu, chapitre 21, si vous lisez le verset 38, le verset 33 jusqu'au verset 46, la Bible déclare là-bas la parabole que le Seigneur Jésus a donnée, la parabole des vignerons et cette pierre d'achoppement qui était prévue dans le livre d'Ésaïe pour pouvoir changer de mains et donner le royaume à ceux qui vont emprunter des fruits. Jésus dit là-bas qu'à une nation, il va donner encore le royaume, vous sera ôté à vous les Juifs. Et donner à ceux donc qui vont porter des fruits. Que Dieu vous vienne vraiment en aide. Que Dieu vous vienne vraiment, vraiment, vraiment, vraiment en aide. Je vous prends maintenant non, Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 46 à 48. Verset 46 à 48. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Vous pouvez maintenant aller maintenant essayer le dictionnaire biblique et au-delà définir ce que c'est que le monde peut signifier ceci. Mais quand Mohamed dit qu'il est le Seigneur venu sauver l'univers, vous ne définissez pas l'univers. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il n'a pas dit que les Juifs qui vont croire. Il a dit quiconque croit en moi. Écoutez verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Vous cherchez là où Jésus a parlé. Le voici qui a parlé ici. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et votre eschatologie musulmane dit clairement que c'est Issa qui va venir pour juger. C'est lui qui va venir pour juger. Il ne vient pas pour juger seulement les tribus d'Israël. Dans Matthieu chapitre 24, il a dit clairement que lorsqu'il va venir s'asseoir sur le trône, au chapitre 25 ici, il va s'asseoir sur le trône de son jugement. Les nations seront assemblées devant de lui. Il n'a pas dit les juifs seront assemblés. Il va séparer les brebis d'avec les boucs. Donc faites attention, mes chers amis. Il dit ici que il dit, verset 47 encore, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, mes chers amis, le dernier jour du jugement, c'est seulement les Juifs qu'on va juger. Ou bien tu vas dire que Mohamed va venir juger sa communauté au de là-bas. C'est Dieu qui juge. Et ici, il est écrit que, clairement que c'est Jésus qui va juger. Il va juger tous ceux qui rejettent sa parole. Donc Dieu va juger tous les musulmans, y compris Mohamed. Repentez-vous tout simplement. Repentez-vous. Repentez-vous. Prenons encore son élucubration maintenant. Si cet ordre-là avait le sens d'aller vers les nations, les apôtres seraient allés vers les nations. Nous avons vu effectivement que les apôtres sont allés partout dans les nations comme le Seigneur Jésus leur avait effectivement dit. Mais même après la mort du Christ, les apôtres ne sont pas allés vers les nations, mais ils sont restés fermes à l'ordre du Christ de ne pas aller vers les païens, mais de ne s'adresser qu'aux juifs. Nous avons vu effectivement que c'est le mensonge. Mais avançons, laissons-le mentir jusqu'au bout, parce que Satan va toujours mentir jusqu'en enfer. Actes des apôtres, chapitre 11. Allons-y dans Actes des Apôtres chapitre 11, comme il dit, et laissons-le parler. Regardez vraiment l'une des techniques. S'il y a le moment, peut-être vous avez pris, peut-être que je mentais, ou bien peut-être j'essaierai de vous tourner, voici l'un des dénouements. Écoutez très attentivement. Verset 19. Qu'est-il dit? Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne, c'est-à-dire qu'après la mort d'Étienne, les apôtres ont été dispersés. Parce que ceux qui avaient été dispersés, si vous lisez le chapitre, ce sont les apôtres du Christ. Après la mort d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre, à Antioche, ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. il n'annonçait la parole à personne d'autre qu'aux juifs. Je m'arrête là. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Voilà, donc vous avez suivi effectivement comment il a lu Actes des Apôtres, chapitre 11. Il a dit clairement qu'il lit le verset 19. Je vais lire ce verset 19. Et puis il a dit qu'il s'arrête là-bas. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler en cette langue du peuple dont Dieu a dit en Ésaïe, chapitre 35, verset 19, qu'il va les faire disparaître. Ce peuple aux langues babylonien, ce peuple aux langues barbares qu'on ne comprend pas, que Dieu a prophétisé dans Ésaïe, chapitre 35, verset 19, qu'il va détruire. Parlons du verset 19 justement. Il a cité le Actes, chapitre 11. En disant que, il cite effectivement, je vais encore le lire, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en frénésie. Et lui-même, il a dit de sa propre bouche que ceux qui avaient été dispersés, c'était les apôtres authentiques du Seigneur. La première question qui se cache derrière, c'est pourquoi avait-il été dispersé? Parce que Étienne a présenté le Seigneur Jésus-Christ comme étant Christ ressuscité. C'est à cause de cela qu'on l'a lapidé. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit clairement qu'il voit Jésus-Christ assis debout devant le trône. Il a dit cela. À cause de cela, on a lapidé. Donc, ce musulman, il vient de reconnaître par là que ce verset est authentique, que Étienne a été lapidé justement à cause du fait qu'il a prêché la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, qu'eux, ils nient aujourd'hui. Mais maintenant, regardez bien, c'est parce que dans ce verset, se trouve quelque chose qu'il veut essayer d'utiliser pour soutenir son argumentation. Relisons cela. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution souvenir à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénésie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux juifs. Il a dit, il s'arrête là, puis il a récité cette langue-là. Mais avec que vous compreniez quelque chose, c'est dans sa parole que je prends effectivement sa technique pour le fruit. Il a dit que ceux qui avaient été dispersés, c'est qui? C'était les apôtres authentiques du Seigneur. Je vais encore faire encore qu'il le redise encore une fois. Écoutez-le attentivement. Qui sont survenus après la mort d'Étienne. C'est-à-dire qu'après la mort d'Étienne, les apôtres ont été dispersés. Parce que ceux qui avaient été dispersés, si vous lisez le chapitre, ce sont les apôtres du Christ. Après la mort d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre, à Antioche, ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Voilà. Donc il a dit clairement que ceux qui avaient été dispersés étaient des apôtres de Christ. On dit que ce verset 19 dit effectivement que et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Suivez comment il va s'arrêter. Écoutez très attentivement et je vais vous dire pourquoi. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Je m'arrête là. Voilà. Ouais, il a lu cela, il s'est arrêté là parce qu'il sait effectivement que s'il continue, le verset suivant contredit exactement ce qu'il a dit. La Bible déclare au verset 20, il y eut cependant parmi eux, souvenez-vous, il a dit que si vous lisez ce verset, ce chapitre, si vous allez remarquer que ceux qui avaient été dispersés étaient les apôtres authentiques de Christ et les apôtres de Christ. On dit donc que ceux qui avaient été dispersés sont allés annoncer la parole seulement aux Juifs. Et puis le verset suivant dit, il y eut parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche s'adressaient aussi aux Grecs. C'est ce qu'il écrit. Et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. C'est exactement ce qui est écrit. Donc, ici, donc, nous voyons effectivement que les païens se sont convertis ici. Les païens sont convertis. On va voir au chapitre 13, on va voir au verset 48 comment il va dire ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Les païens vont entendre la voix, ils vont croire. Mais ce qui ressort, c'est qu'on a annoncé la parole aussi. Le verset qu'il a cité dit clairement qu'on a annoncé la parole aux Grecs. Et beaucoup de Grecs vont croire. Au chapitre 16, donc on va retrouver dans cette même ville-là. Au chapitre 16, on va retrouver dans cette ville-là. On dit verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Donc, il a la paternité de son père, la nationalité de son père. Si tu veux la double nationalité, mais c'est un grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là. Car tous le savaient que son père était grec. Donc, le fait que le père était grec causait problème. Donc, voici un païen, un grand Timothée qui est un païen, qui a été converti et qui s'est fait circoncis. Donc, il faut faire attention. Maintenant, où est-ce qu'on peut arriver? On arrive au niveau où ce garçon, c'est un, dit que les Juifs disent que selon eux, ils sont le peuple élu. Alors que c'est le Coran lui-même, le Coran qui dit cite que Allah a préféré les Juifs aux autres peuples. C'est Allah qui le dit dans le Coran qu'il a préféré les Juifs aux autres peuples dans la sourate, chapitre 7, le verset 140. Alors, je vous pose la question. Où étaient donc les Ismaélites? Les descendants d'Ismaël, lorsque Allah préférait les Juifs aux autres peuples. Il est dit clairement dans ce sourat, chapitre 7, verset 140, là, que Allah a préféré les autres peuples, les Juifs aux autres peuples. C'est écrit. Tu dis, montre-moi un seul verset. Il n'y a pas un seul verset. Comme vous le dites, que montre-moi où Jésus dit que je suis Dieu, adore-moi. J'arrive avec cet enseignement-là. Je vais vous montrer dans le Coran où Jésus dit qu'il est Dieu. Alors, adorez-moi. Je vais voir si vous allez l'adorer. Maintenant, vous dites que Jésus, tu dis que Jésus n'a pas dit de sa propre bouche que allez, montre que Jésus n'a pas dit qu'aller vers les gens de nation. Il n'a pas un seul verset. Il n'a pas dit qu'il est le sauveur du monde. Oui. Maintenant, ce qu'il a dit, est-ce que vous y croyez? C'est écrit là-bas. Mais comme ta tête est dure comme la noix de coco. Comme tu es voilé avec le cerveau liquide, comme le liquide qui est dans le nerf de coco, dans l'extrémité est dure, tu ne peux pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que le voile est jeté sur vous, sur votre cœur. Et c'est uniquement quand on est en Christ que ce voile est ôté. Tu vas beau lire en arabe, comme vous savez, le reste en arabe, lire en hébreu, lire n'importe comment, tu ne comprendras pas. Parce que c'est écrit clairement que c'est scellé là-bas. C'est écrit que c'est scellé. Si je vais dans le Coran, je commence à vous poser la question, que vous me donnez les explications. Le Coran dit clairement que ça vient confirmer. Que le Coran vient pour confirmer ce qui était avant. Dans la sourate chapitre 10, le verset 37. Et dans la sourate chapitre 4, verset 47. Que ça vient pour confirmer ce qui était avant lui. Donc, c'est-à-dire la Torah et l'Injil. Vous dites que la femme de Noé et la femme de Lot ont péri en enfer. Alors que le Coran, la Bible dit le contraire. Donc, on va y revenir, on va revenir la prochaine fois dans ces choses. Mais maintenant, permettez-moi d'aller dans différents livres de lecture et puis lisons quelques passages de l'écriture pour voir ce qu'il en est par rapport à cette histoire des Juifs samaritains. Première chose, vous qui m'écoutez maintenant, sachez que même si Jésus ne l'a pas dit de sa propre bouche, les disciples l'ont fait par la suite. Et on a vu cela dans la Bible. Et mais ce n'est pas nouveau parce que Jésus n'a pas besoin, de dire que voici l'ordre formel, voici ceci, comme vous le dites, que adorez-moi. Dieu l'a déjà dit, le Dieu a prévu dans la Bible que les nations devraient le louer, que l'évangile sera prêché dans les nations. Amen. Dieu l'a prévu. Partout dans la Bible, c'est écrit. Si vous lisez Deutéronome chapitre 32, verset 43, c'est écrit. Vous lisez Psaume 117, verset 1, c'est écrit. Vous lisez Ésaïe chapitre 11, et on va aller dans Ésaïe chapitre 11 particulièrement. Ésaïe chapitre 11, permettez-moi de trouver le livre du prophète Ésaïe. Donc, vous pouvez aller tordre maintenant pour dire que c'était Mohamed dont il est question. Maintenant, on a changé la Bible, sauf le verset qui parle de Mohamed. M'amuser. Le chapitre 11 d'Ésaïe. Je vais lire à partir du verset 1 avant d'arriver là-bas. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Mais comme vous ne pouvez pas tourner, si vous savez effectivement qu'il s'agit de Jésus, ben, il n'y a pas moyen pour tourner pour que ça arrive sur Mohamed. Et un rejeton naîtra à ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Les malheureux de la terre, les malheureux de la terre. On n'a pas dit les malheureux juifs. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail engraisseront ensemble et un petit enfant les conduira. Verset 7. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. C'est terrible. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne. Du basilic. Écoutez très attentivement. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les roseaux qui le couvrent. Verset 10. Écoutez très attentivement. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe, on parle du Seigneur Jésus, sera là comme une bannière pour les peuples, pas pour la nation d'Israël, pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. Les nations se tourneront vers lui. Les nations se tourneront vers lui. Et la gloire sera sa demeure. Donc, il est prévu que les nations vont se tourner à Jésus. Il a dit dans le livre de Jean que lorsqu'il sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Tous les hommes. Quand il sera élevé, il va attirer tous les hommes vers lui. C'est pour ça que les cœurs se tournent vers Jésus. Écoutez très attentivement. Verset 10 encore. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Maintenant, essayez de tourner maintenant pour dire que c'est les peuples juifs. Les peuples juifs. Le volet souvent dit, les nations se tourneront vers lui. Et la gloire sera sa demeure. Pour être un peu plus clair, afin que vous ne tourniez pas avec vos langues démoniaques, qu'il s'agit d'Israël, il est dit au verset 11, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé. De son peuple dispersé. En Assyrie et en Égypte, à Paphos et en Égypte, et à Hélam, à Chinéa et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. C'est certainement ce qui est écrit. Donc il y a une œuvre que le Seigneur va faire d'abord, puis il va se retourner en Israël. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Il est écrit qu'il va rassembler à Israël, lui, à son peuple déjà réuni, d'autres peuples. C'est ce que Esaïe dit. Donc, mon cher ami, quand vous ne connaissez pas, venez à la lumière. Venez à la lumière. Ne restez pas dans la ténèbre. Commencez à aboyer comme les chiens qui ont peur et restent devant leur porte pour pouvoir aboyer. Au chapitre 11, chapitre 56 d'Esaïe, lisons cela. Chapitre 56 d'Esaïe. Esaïe, chapitre 56. Esaïe, chapitre 56. Que Dieu vous vienne en aide vraiment. Esaïe chapitre 56 dit, écoutez très attentivement, ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice se manifestera. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise, écoutez exactement, que l'étranger, c'est prévu dans la Bible que les étrangers devaient s'attacher à Dieu, au Dieu d'Israël. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Donc cet étranger, c'est différent de son peuple. Et que l'ennemi ne dise pas, voici, je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel, aux ennemis qui garderont mes sabbats, donc Shabbat, le repos, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. C'est ce qui est écrit clairement. Donc, il est prévu que les nations devraient être juives. Certaines parties des nations devraient être rejointes au niveau des juifs. Verset, chapitre 55, verset suivant dit, écoutez très attentivement, chapitre 55. Esaïe, chapitre 55, verset 55 dit, verset 3, chapitre 55, verset 3 et suivant dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Écoutez très attentivement, verset 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Donc, c'est prévu dans les Écritures que l'appel devait être lancé à toutes les nations, comme l'apôtre Paul l'a dit, comme vous n'aimez pas l'entendre. C'est pour ça que j'ai évité également de le citer ici. Amen. Lisons le chapitre 4 d'Isaïe, le chapitre de Michée. Allons au chapitre 4 du prophète Michée, avant de revenir dans le livre de Jérémie, du prophète Jérémie au chapitre 23. Michée chapitre 4 dit, il arrivera dans la suite, le même passage, le même prophétie réitéré dans le livre de Michée au chapitre de Isaïe chapitre 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, montez ce que vous faites là-bas, faites la Kaaba n'importe comment. Dieu ne résidera jamais à la Kaaba, il ne résidera jamais à la Mecque. Il a choisi Jérusalem. Pas étonnant que dans le Coran, Jérusalem, le nom Jérusalem ne se figure nulle part, dans aucun verset, zéro fois ça se trouve dans le Coran. Alors que dans la Bible, ça se figure 771 fois le lieu de résidence de Dieu. Vous avez détourné pour attirer l'attention que les milliards de personnes se prosternent vers l'idole. Et vous dites que Dieu, vous n'aimez pas l'associateur. Alors que vous en êtes d'associer une divinité de pierre à ce Dieu-là. Enfin, de toute façon, c'est lui que vous servez. Et pourquoi il n'y a pas Jérusalem dans le Coran? Alors que toute la Bible parle de Jérusalem partout où Dieu a décidé de faire son nom. Il a dit que c'est là-bas qu'il va bâtir, c'est là où il va régner. Parce que vous avez peur de détourner l'attention. Et vous appelez ça que c'est la terre sainte, l'une de vos lieux saints. Montrez dans le Coran, c'est écrit que Jérusalem est un lieu saint. Où vous allez vous bâtir votre mosquée. Ne me faites pas parler. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, dont les nations vont aller là-bas, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Écoutez très attentivement, puis prophétise sur Jésus, car de Sion sortira la loi. Il n'est pas dit que la loi va venir de la Mecque, jamais, que de Médine, ce n'est pas de Médine que ça va venir. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Jésus est la parole de l'Éternel. Il sera, on parle de cette personne-là, et on dit que la parole de l'Éternel, puis on dit il sera le juge d'un grand nombre de peuples, pas d'un grand nombre de populations juives de la diaspora. L'arbitre des nations puissantes lointaines. C'est ce qui est écrit là, noir et blanc. Oh mon Dieu, aide les musulmans à comprendre ceci. Mais de toute façon, ceux qui sont destinés à la vie éternelle viendront de toutes les façons. Lisons le livre de Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23, versets 1 à 6. Écoutez très attentivement. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai dispersés. C'est ce que Dieu a dit. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à la maison à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte. Donc, nous voyons effectivement qu'il est censé régner et réunir le peuple d'Israël là-bas. Mais nous avons vu dans l'autre volet qu'il va faire des tas, que les nations vont se tourner vers lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant, mes chers amis musulmans? Que parce que Jésus-Christ n'a pas dit de sa propre bouche, comme il a dit dans ce livre de Matthieu chapitre 10, verset 5, que n'allez pas vers les juifs, vers les païens, n'allez entrez pas dans la vie des Samaritains. Nous avons vu clairement qu'il est lui-même entré là-bas dedans. Nous avons vu qu'il a délivré un Samaritain de la lèpre et il l'a sauvé par la suite pour le joindre à ce corps-là. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant, mes chers amis musulmans? Qu'est-ce que vous allez dire, par exemple, des Sourates chapitre 37, verset 133 à 134, qui parle de Lot et de toute sa famille entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres. Alors que dans un autre passage, il est dit clairement que c'était Lot, la femme de Lot qui était décédée. Qu'est-ce que vous pouvez dire de Sourate 11, verset 41 à 43, qui parle de Noé, et de la Sourate chapitre 66, verset 10, puis dans le Sourate chapitre 37, verset 67, qu'est-ce que vous pouvez dire de tout cela? Maintenant, je vais vous poser une question aussi maintenant pour vous montrer où c'est confirmé. Avant de prendre cela, qu'est-ce que vous pouvez dire de la sourate chapitre 4, la sourate des femmes qui parle des jardins avec les femmes mariées, qu'on va marier à la fin des temps dans le paradis, alors que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 23 à 33, comme vous dites que vous croyez, vous aimez sa parole. Jésus dit que dans Matthieu chapitre 22, verset 23 à 33, qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes ne prendront point des hommes, car ils seront comme des anges. Mais vous dites dans la Sourate, chapitre 4, verset 57, qu'au jardin, on va prendre des femmes. Que Dieu vous vient vraiment en aide. Jardin démoniaque. Donc maintenant, permettez-moi de lire, je vais lire la Sourate, chapitre 20, verset 85 à 90, et puis je pose la question. Sourate, chapitre 20. Sourate Taha. Je prends Taha. Verset 85. Qu'est-ce que ça dit? Verset 85 à 90. Je vais lire. Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ et le Samaritain les a égarés. On parle ici de l'histoire de Moïse qui est monté sur la montagne pour prendre les 10 commandements. En rentrant, ils ont fait le veau d'or. Maintenant, écoutez très attentivement. Allah dit, nous sommes au verset 85 de la Sourate Taha. Verset 85. Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ. Et le Samaritain les a égarés. Le Samaritain les a égarés. C'est le Coran qui dit, mes chers amis musulmans, le Coran. Ton Coran dit que le Samaritain a égaré le peuple juif. Verset 85. Moïse retourna donc vers son peuple courroucé et chagriné. Il dit, ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas déjà fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi? Nous n'avons pas violé de notre plein gré notre engagement envers toi, dit-il. On nous a fait emporter des charges de bijoux de ce peuple. Nous les avons jetées et le Samaritain en a fait de même. Je vous pose la question. Les Samaritains existaient-ils dans le désert alors que les Juifs sortaient de l'Égypte? C'est la question que je vous pose. Répondez-moi. Votre Coran dit que les Samaritains, c'est le Samaritain qui a égaré. C'est le Samaritain qui a égaré. C'est le Samaritain qui a égaré. C'est le Samaritain qui a égaré. Et les Samaritains existent plus tard, longtemps après, quand les Juifs vont s'établir dans leur pays et ils ont été déportés en Assyrie, comme on a vu dans le livre de 2 Rois, chapitre 17. Alors je pose donc la question, mes chers amis musulmans. Aaron est appelé un Samaritain, ou bien d'où vient-il que le Samaritain soit là-bas? Au verset 85, 95, il est dit, alors Moïse dit, quel a été ton dessein, ô Samaritain? Donc Moïse a sorti de sa bouche que, ô Samaritain, quel a été ton dessein, ô Samaritain? Il dit, j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai donc pris, verset 96, j'ai donc pris une poignée de la trace de l'émissaire, puis je les ai lancés. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. Va-t'en, dit Moïse. Dans la vie, tu auras à dire pas de contact. Il y aura pour toi un rendez-vous. Il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons, certes, et ensuite nous disperserons ta cendre dans les fléaux. Donc, on voit effectivement que le Coran n'est que la suite des racontages démoniaques mélangés avec les histoires du golfe Persique là-bas, entre les voyageurs et les gens qui ont des caravanes qui ont acheté ou bien ont vendu, ils n'ont pas pu vendre ou bien ni acheter, ils sont embrouillés avec le soleil. On a le veau d'or, l'histoire du veau d'or ne se passe pas avant que se passe longtemps avant les Samaritains. Voici Moïse qui sort de sa bouche des Samaritains. Je vous pose la question, confirmez-moi ceci dans l'histoire. Que Dieu vous vienne en aide. Je vous laisse maintenant avec vos élucubrations. Que Dieu vous vienne vraiment en aide pour faire comprendre que le salut est en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, mes chers amis. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. أحبك ربي يسوع وليس لي سواك أتبعك ربي دما أتبعك بلا رجوع وأسبح اسمك وليس لي سواك أتبعك ربي دوما أتبعك بلا رجوع وأسبح اسمك القدوس وليس لي سواك أحبك ربي يسوع أحبك ربي يسوع أحبك ربي يسوع وليس لي سواك سواك أتبعك